Original Poupali vote pour toi et toi. Promesse de justice, mixtape no man. Yeah man, ouvrons les yeux Sam Boys. Promesse de justice, sache qu'elle nous blesse. Faut que ça cesse, voilà notre vision. Barebatche Sound, Aeropan de Mike, et pour tous les massifs conscients, pour tous les massifs militants.